Marc chapitre 10. Puis étant parti de là, il vint sur les confins de la Judée, au-delà du Jourdain, et les troupes s'étant encore assemblées auprès de lui, il les enseignait comme il avait accoutumé. Alors des pharisiens vinrent à lui, et pour l'éprouver ils lui demandèrent, « Est-il permis à un homme de répudier sa femme ?» Il répondit, et leur dit, « Qu'est-ce que Moïse vous a commandé ?» Ils dirent, « Moïse a permis d'écrire la lettre de divorce, et de répudier ainsi sa femme. » Et Jésus répondant, leur dit, « Il vous a donné ce commandement à cause de la dureté de votre cœur. Mais au commencement de la création, Dieu fit un homme et une femme. C'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme. Et les deux seront une seule chair, ainsi ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. » Puis ses disciples l'interrogèrent encore sur cela même, dans la maison. Et il leur dit, « Quiconque laissera sa femme, et se mariera à une autre, il commet un adultère contre elle. Pareillement, si la femme laisse son mari, et se marie à un autre, elle commet un adultère. » Et on lui présenta de petits enfants, afin qu'il les touchât, mais les disciples reprenaient ceux qui les présentaient. Et Jésus voyant cela, en fut indigné, et il leur dit, « Laissez venir à moi les petits enfants, et ne les en empêchez point, car le royaume de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent. En vérité, je vous dis, que quiconque ne recevra pas comme un petit enfant le royaume de Dieu, il n'y entrera point. » Après les avoir donc pris entre ses bras, il les bénit, en posant les mains sur eux. Et comme il sortait pour se mettre en chemin, un homme accourut, et se mit à genoux devant lui, et lui fit cette demande, « Maître qui est bon, que ferai-je pour hériter la vie éternelle ?» Et Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a nul être qui soit bon, que Dieu. Tu sais les commandements, ne commets point adultère, ne tue point, ne dérobe point, ne dis point de faux témoignages, ne fais aucun tort à personne, honore ton père et ta mère. » Il répondit, et lui dit, « Maître, j'ai gardé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Et Jésus ayant jeté l'œil sur lui, l'aima, et lui dit, « Il te manque une chose, va, et vends tout ce que tu as, et le donne aux pauvres, et tu auras un trésor au ciel, puis viens, et me suis, ayant chargé la croix. » Mais il fut fâché de ce mot, et s'en alla tout triste, parce qu'il avait de grands biens. Alors Jésus ayant regardé alentour, dit à ses disciples, « Combien difficilement ceux qui ont des richesses, entreront-ils dans le royaume de Dieu ?» Et ses disciples s'étonnèrent de ces paroles, mais Jésus prenant encore la parole, leur dit, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient aux richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus aisé qu'un chameau passe par le trou d'une aiguille, qu'il ne laisse qu'un riche entre dans le royaume de Dieu. » Et ils s'en étonnèrent encore davantage, disant entre eux, « Et qui peut être sauvé ?» Mais Jésus les ayant regardés, leur dit, « Cela est impossible quant aux hommes, mais non pas quant à Dieu, car toutes choses sont possibles à Dieu. » Alors Pierre se mit à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté, et t'avons suivi. » Et Jésus répondant, dit, « En vérité, je vous dis, qu'il n'y a personne qui ait laissé ou maison, ou frère, ou sœur, ou père, ou mère, ou femme, ou enfant, ou champ, pour l'amour de moi et de l'Évangile, qui n'en reçoive maintenant, en ce temps-ci, 100 fois autant, maison, et frère, et sœur, et mère, et enfant, et champ, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Mais plusieurs qui sont les premiers, seront les derniers, et les derniers seront les premiers. » Or ils étaient en chemin, montant à Jérusalem, et Jésus allait devant eux, et ils étaient épouvantés, et craignaient en le suivant, parce que Jésus ayant encore pris à l'écart les 12, s'était mis à leur déclarer les choses qui lui devaient arriver, disant, « Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes, et ils le condamneront à mort, et le livreront aux gentils, qui se moqueront de lui, et le fouetteront, et cracheront contre lui, puis ils le feront mourir, mais il ressuscitera le troisième jour. » Alors Jacques et Jean, fils de Zébédée, vinrent à lui, en lui disant, « Maître, nous voudrions que tu fisses pour nous ce que nous te demanderons. » Et il leur dit, « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Et ils lui dirent, « Accorde-nous que dans ta gloire nous soyons assis, l'un à ta droite, et l'autre à ta gauche. » Et Jésus leur dit, « Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire, et être baptisé du baptême dont je dois être baptisé ?» Ils lui répondirent, « Nous le pouvons. » Et Jésus leur dit, « Il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire, et que vous serez baptisé du baptême dont je dois être baptisé. Mais d'être assis à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de le donner, mais il sera donné à ceux à qui il est préparé. » Ce que les 10 autres ayant oui, ils conçurent de l'indignation contre Jacques et Jean. Et Jésus les ayant appelés, leur dit, « Vous savez que ceux qui dominent sur les nations les maîtrisent, et que les grands d'entre eux usent d'autorité sur elles. Mais il n'en sera pas ainsi entre vous, mais quiconque voudra être le plus grand d'entre vous, sera votre serviteur. Et quiconque d'entre vous voudra être le premier, sera le serviteur de tous. Car aussi le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir, et pour donner sa vie en rançon pour plusieurs. » Puis ils arrivèrent à Jéricho, et comme ils partaient de Jéricho avec ses disciples et une grande troupe, un aveugle, appelé Bartimée, c'est-à-dire, fils de Timée, était assis sur le chemin, et mendiait. Ayant entendu que c'était Jésus le Nazaréen, il se mit à crier, et à dire, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Et plusieurs le censuraient fortement, afin qu'il se tue, mais il criait encore plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi !» Et Jésus s'étant arrêté, dit qu'on l'appela. On l'appela donc l'aveugle, en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » Et jetant bas son manteau, il se leva, et s'en vint à Jésus. Et Jésus prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Et l'aveugle lui dit, « Maître, que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Et sur le champ il recouvra la vue, et il suivit Jésus par le chemin.